Sokhan Ali. I'm so better. Yeah. صافي نسيتي ملي تخلفرا كتر الهم وكتر الصمت فين ما مشيتي عايش الحكرة والدنيا قاهرة غدا واقع مدينتي الحفرة سيتي في دروب الحفرة ليا ما الدورة دور وكلها فين ماتو بستيل القاهرة عايش الحكرة محالة دبرة تابرة خنفرة سيتي ما بقيتي لقيتو قال الصح وطرق وعامرة شوف تنوض الروبلا الدراري تشري وجبع في الحب والساطلة العيشة القودة كوما كانش الفقر كوما كانش الفوضى كان بلاد النباة وحياته بديت السهلة كوما كانش الضوء كوما كانش الحقرة كان بلاد النباة وعيش حياته حاصلة جامي كان يكون اللي كان يكون الجهل وكان يكون الحرمان عشاك على هادي حياة بني الإنسان بين الحبس والإدمان بين الحبس عشيري بين الحبس عشيري والإدمان صافي نسيتي ومدي تخلفرا اكتر الهم وكتر الصد فين ما مشيتي عايش الحقرة والدنيا قاهرة هذا وقت عم دينتي الحفرة سيتي فيان فيان فينو تو فامال حد راس سيتي لابفيل بارانورمال بازي فيان Viens et tu verras ce qu'est la merde en compagnie de tous ces rats. Alors le bonheur se fera. Les portes mon palace en ruine. Hagra City n'a rien d'une ville. Ici on vit la mort et non pas la vie. Ici un bullshit vaut une vie entre Hagar. Si tu oses donner un mauvais avis, Hagra City est insalubre et sombre. L'espoir est une ombre. Ici on vit en ombre. On ne répond qu'en oui ou non. Bienvenue, tout va mal. Le respect c'est perdu. Là où plus rien n'est normal. Où le bonheur s'est pendu. Les habitants ici. Ils sont pas solidaires, plus aucune politesse. Les mounous du quartier ont buté l'armée terre. L'économie de la ville s'est forgée grâce aux portes armées terre. Et les ventes ont fini par se taire, leur langue par terre. Ici les flics se sont retrouvés en top, mentalité en top. Si les coupables baissent la femme du propre, mais les braves jamais ne baissent le troc. On part avec le pactole, quitte les blocs, vite une boucle à l'époque. Sans fait, si tu me dis que les francs, que j'aurai l'homme ou que j'aurai le sang de fait, même si tu es le hagra, ou t'es le hagra, adore quand même t'es le hagra. Vas-y, viens, bienvenue, tout va mal, hagra city, la ville paranormale, vas-y, viens. Viens et tu verras que la merde en compagnie de tous ces rats. Alors le bonheur se fera. J'ai pas grand des rap, j'ai une fesseur. J'ai de goût les clans, on m'a chiadé. T'es tout choc, contre un courant et raté. Rose de 5 ans, rose de Houma. Rose de trop au sort, rose de Khrifra. Rani d'Abka, rani moch alek, courant et baqué. Rani chat au saf, une scène adorée. Attends, c'est pas fini, j't'ai pas tout dit. Si les petits à 3 piges fument du shit et deal comme ton lit, la jeunesse voit rouge. Vise pourri jusqu'au cou, tes fils des bourges. Ici ça sent la merde, c'est qu'à Hagra City l'odeur partout est la même. Et ouais, tu veux du shit, viens couper en lamelle. Demande où vient lequel t'en ramène. Et ouais, j't'ai pas tout dit. C'est ici Hagra City. صافي نسيتي ملي تخلفرا كجار الهم وكجار الزلط فين ما مشيتي عايش الحكرة والدنيا قاهرة هدا وقع مدينتي الحفرة سيتي فيان فيانفوني تو فا مال حضرة سيتي لا فيل بارانورمال فازي فيان فيان اي تو فيغا سكي لا ميرد ان كومباني دو تو سيرا لو البونير سفيغا. Let's go. 007, 08, frérot.